Sur sa tombe, mais rien ne vient, rien ne part, tout juste un épais brouillard qui plonge sa triste mémoire dans l'oubli de cette folie. À qui est cette main qui les voit, les épousailles, et l'ami l'incertain sur ce champ de bataille? Était-ce le diable? Était-ce son propre vœu de venir ici tâcher le sable? Il saigne au côté droit, mais il ne se souvient pas pour l'amour de quel roi il a mené ce combat. Mais rien ne vient, rien ne part, ce ne fut qu'un simple hasard. S'il a porté l'étendard si loin derrière les remparts, il était fier de faire la guerre, fier d'aller croiser le fer, mais il ne voit plus de patrie, ni d'amis, ni même d'ennemis. Au vent, dors-toi, tu fuiras ce combat, revois la verdure des champs de tes souvenirs d'enfant. Retrouve cette époque où les hommes étaient plus sages, où les hommes ont des visages, où les hommes avaient un âge. Mais rien ne vient, rien ne part, toi matricule à l'œil hagard qui défile sur le boulevard dans un triste uniforme noir. Que te resteras-tu pour rythmer tes derniers jours lorsque ce seront-tu les sans-sourds?